vous pouvez en prendre encore, on a encore des exemplaires, manifeste en anglais, en français, et puis dans d'autres langues, et normalement on va continuer. Est-ce qu'il nous reste des langues en suspens? Non, il reste quelques langues. Quelques langues à finir. En même temps, on sait pas si on les aura jamais, mais ouais. Elles sont présentes, qu'on puisse les voir. Voilà. Donc ce qu'on va faire, c'est de clore, et sur la liste DDH, qui est une liste, qui est la liste du séminaire, mais qui n'est pas la propriété du séminaire, c'est la liste de la communauté DH, au moins française, dh@cru.fr. On donnera l'information sur les nouvelles traductions. Et si vous voulez contribuer à des corrections pour d'autres, des langues en cours ou qui n'ont pas été traduites, n'hésitez pas à faire des propositions. Donc le manifeste, Pierre, toi, tu as pu expliquer le manifeste dans un contexte où tu as publié quelque part, je me souviens, tu m'avais dit. Oui, mais je me souviens plus dans quel contexte. D'accord. Dans une revue qu'on a oublié le nom. Et moi, j'ai obtenu l'accord de publication du manifeste dans Digital Humanities Quarterly, avec une introduction contextualisante, parce que ce qu'ils disent, mais pourquoi encore un manifeste qu'il y en a déjà eu, mais bon, il est facile de dire qu'ils étaient un peu illuminés par quelques substances non toxiques, et que donc nous, on a fait une approche plus sérieuse, disons. Et donc, pour que ça prenne, il faut le publier, hein, pour qu'il soit à ce compte d'endroit et qu'on le discute. Et donc, nous allons le porter à Florence, Zaplan Florence, en mars, je crois, que le CLEOC organise avec l'Institut européen de Florence et d'autres institutions italiennes. Si. Et le CHM. Et ça me revient, le manifeste va donc être publié dans le journal des anthropologues aussi, en fait. Voilà, le journal des anthropologues. Ce qui est bien, parce que Digital Humanities Quarterly, c'est quand même seulement la communauté qui parle à la communauté. Et donc l'idée, c'est aussi de s'ouvrir dans des disciplines non nativement numériques. Et d'ailleurs, donc, si dans les différentes disciplines auxquelles vous appartenez, vous avez des idées, des opportunités ou la volonté de le porter dans différentes revues, bien, sachez que ça peut exister, qu'on peut le faire. Oui. Il faut le faire. Voilà, alors la difficulté, c'est qui va signer ce manifeste, puisqu'il est comme Wikipédia, il y a 80 personnes qui le signent, donc il est collectif, c'est un auteur collectif. Voilà, donc Zaplan Florence va avoir lieu, on va y rediscuter de la version italienne du manifeste, est-ce que c'est adapté, pas adapté à la situation italienne. J'en ai parlé à Londres, à la rencontre Internet, et à Zaplan Londres, en juillet. De toute évidence, ce n'était pas adapté la proposition, parce qu'en fait, le ZATCamp organisé par le CHNM à Londres était beaucoup plus tech, beaucoup plus geek que la façon dont nous l'avons construit, un peu intellectuel, un peu recherche. Et eux, ils voulaient parler de d'octets, de code et de difficultés opérationnelles. Et moi, je venais à poser une question fondamentale. Donc, tous les gens qui sont venus poser des questions structurantes, fondamentales, ont vu des ateliers minuscules avec 4-5 personnes, des questions hyper importantes. Et dès qu'il y a quelqu'un qui a dit « Comment est-ce qu'on pourrait faire de web sémantique en faisant de la géolocalisation et tout ça ?» Il y avait 100 personnes dans l'atelier. Bon, il y a une différence de culture énorme avec nous. En tout cas, je ne sais pas si nous, c'est la France, en tout cas avec l'événement que nous avons organisé. Et là, c'est intéressant. Mais du coup, il n'y a pas eu le débat que je souhaitais autour du manifeste. Mais ce n'est que partie remise, puisqu'on va avoir l'occasion, Pierre et moi, de voyager et de défendre le manifeste à l'étranger. Voilà. Il n'y aura pas un manifeste 2011, hein, mais en revanche, il y aura un séminaire donc qui va commencer par la séance qu'Antonio va assurer, que Pierre présentera quand j'aurai terminé, et qui va continuer par une séance avec Pierre. Dominique Cardon, le mois prochain. Donc, on aura une séance avec Dominique Cardon. Qui viendra parler non pas de son dernier, enfin du livre qu'il vient publier sur la démocratie internet, mais on a essayé de lui demander d'intervenir sur des questions méthodologiques plutôt, puisque Dominique travaille sur des données nativement numériques issues du web 2.0 en particulier, avec un certain nombre de traitements plus ou moins automatiques qui sont appliqués sur ces données. Et donc ça pose tout un tas de questions méthodologiques en sciences sociales, évidemment, et on essaiera de... Il viendra d'ailleurs avec Christophe Prieur, qui est informaticien mathématicien, qui travaille sur les traitements de graphes. Des réseaux. Vous tweeter, hein. Très bien. On va vous dénoncer sur Twitter, mais vous pouvez entrer quand même. Donc, il viendra avec Christophe Prieur, donc tous les deux ont travaillé sur Flickr en particulier, sur les représentations et l'analyse des relations qui s'établissent entre les utilisateurs de la plateforme Flickr. Donc, ils viendront tous les deux nous parler de cet aspect-là. Et il me semble qu'il y a une continuité qui va être intéressante avec ce dont Antonio va nous parler aujourd'hui. Voilà, donc il y a une première continuité. L'actualité de Dominique Cardon, c'est l'apparition de son bouquin sur la démocratie Internet, dont j'ai publié un compte rendu sur Homo Numericus, et qui est là. Et l'actualité d'Antonio, c'est son bouquin, mais on en parle dans le suivant. La troisième séance, c'est le décembre, verra Patrice Bello, BE2LOT, nous parler du traitement automatique de l'alarme, de la fuite de données. Donc il va présenter ses travaux au laboratoire d'informatique d'Avignon dans ces domaines-là, en sachant qu'il s'adresse à des sciences humaines. Donc c'est un informaticien, je dirais, natif et toujours. Donc vraiment l'informatique dure qui, de temps en temps, a des liens avec les sciences humaines. Et l'intérêt, c'est de commencer à entrer en discussion aussi avec ces gens-là qui font de l'extraction de la fouille de données de façon quand même tout à fait impressionnante. Et il me semble qu'on n'utilise pas encore assez dans nos disciplines les capacités qui sont à notre disposition dans ce secteur-là. Et puis pour 2011, on a déjà un programme concocté, mais on attend les dernières confirmations, etc. Donc on l'annoncera en temps et en heure. Voilà, le compte-rendu de ce séminaire aura lieu sur l'édition électronique ouverte, donc le carnet de recherche du Centre pour l'édition électronique ouverte, avec un enregistrement de la voix de notre éminent orateur, accessible en streaming et en téléchargement. Dès que possible, avec un léger retard. Voilà. On peut tout à fait discuter sur la liste dh@cru.fr de ce qui a été dit dans les discussions. Ce qu'on aimerait obtenir de la liste DH, c'est qu'elle ne soit pas une chambre d'enregistrement des événements que chacun tient. C'est-à-dire que c'est bien d'envoyer de l'actualité, mais si on ne discute jamais entre nous, ce n'est pas vraiment une liste de discussion. Hein. C'est un média d'information, et si on voudrait essayer d'éviter ça, or on sait qu'une communauté, ça se construit par l'exemple, et ceux qui donnent le ton sont les premiers qui s'expriment, et ensuite on peut prendre une habitude de communication bienveillante ou malveillante, intense ou plus intense, théorique ou peu théorique, etc. Donc je crois que c'est important qu'on ait conscience de ce rôle qu'on peut jouer en donnant le ton des premiers échanges, qui doit être dans la mesure du possible positif, dans la mesure du possible où on avoue et on reconnaît nos incompétences, hein, parce qu'en fait c'est la nature même des DH qui est comme ça, c'est qu'on ne peut qu'ignorer de quoi on parle, parce que le secteur est neuf et il oblige une multi-compétence dont personne ne dispose, et donc là je trouve qu'il faut vraiment qu'on sur la liste, on s'autorise à ne pas savoir. Voilà. Pierre, je te laisse introduire Antonio et moi je me tais. Voilà, donc pour cette première séance, nous avons invité Antonio Cassini à venir nous parler de ses recherches. Alors, pour ceux qui... Le séminaire est composé de personnes qui ne sont pas forcément dans un champ précis, mais très dispersées dans différentes disciplines. Donc pour ceux qui ne connaissent pas, Antonio Cassini est chercheur, sociologue, chercheur au Centre Edgar Morin, HESS ici. Il anime, il organise un séminaire cette année sur corps et éthique, approche socio-anthropologique des usages numériques, qui a démarré, On démarre le 25 novembre. Ouais. Et pour cette année, non seulement je l'anime, mais j'assure les séances. Donc il n'y a pas d'invité, c'est toi qui... D'accord, très bien. Voilà, donc information fraîche directement du producteur. Antonio, alors pour vous donner des points de repère aussi et des références à aller voir en particulier en ligne, Antonio a un blog ou un carnet de recherche, ce que nous appelons carnet de recherche en fait, ouais. Qui s'appelle Body Space Society, qui diffuse de l'information, une information très intéressante sur les recherches qu'il mène. Et l'actualité de notre orateur, c'est ces dernières semaines la publication d'un livre qui s'appelle Les liaisons numériques aux éditions du Seuil, vers une nouvelle sociabilité. Et donc le voilà, on peut l'acheter, et surtout il a lui-même son propre site, hein, la liaison numérique, auquel vous pouvez aussi vous référer, qui vous donne plus d'informations, des débats, etc. sur le, sur cet ouvrage. Alors, Marin et moi, nous l'avons lu. Moi, je l'ai lu de manière un peu plus détaillée, on va dire, pour en faire un compte-rendu sur Homo Numericus. Et moi, ce qui m'a intéressé dans cet ouvrage, on en discutait avec Antonio, c'est qu'il apporte cette perspective où on analyse en fait des relations sociales qui s'établissent à la fois dans un contexte non numérique et dans un contexte numérique. Donc, ce sera à toi de nous dire comment tu qualifies cette relation entre les deux espaces. Mais il y a une continuité, une articulation, voilà, c'est ça, une intrication forte dans des relations sociales qui sont à la fois dans un contexte non numérique et dans des contextes numériques, et c'est la relation entre les deux qui est intéressante. Donc, on a demandé à Antonio de venir nous parler de ça aujourd'hui plus particulièrement, et aussi d'un point de vue méthodologique aussi, sur qu'est-ce que ça veut dire pour un sociologue de travailler sur des données qui sont qui viennent d'interface ou d'univers numérique, et en même temps avec des méthodes d'observation qui sont plus classiques sur dans des interactions non numériques. Voilà, Antonio, je te laisse la parole. Je te remercie encore d'être venu. Merci Pierre, merci Marin. Merci Pierre d'avoir précisé un peu le contexte de mon intervention aujourd'hui. Voilà, merci. Parce que... bonjour. Parce que, bien sûr, quand Marin et Pierre m'ont invité à participer au séminaire, la première chose que j'ai demandé, bon, d'abord j'ai dit oui, bien sûr, merci. La deuxième chose que j'ai demandé était quelle peut être justement la contribution que je peux apporter à un contexte de réflexion sur le digital humanities, en sachant que, bien sûr, l'idée que moi-même je me suis formé des Digital Humanities suite à la première saison du séminaire, suite au manifeste dont je suis aussi l'un des signataires, était cet accent tout à fait, je dirais français, mais enfin, disons un accent important sur le côté humanities de la discipline ou du domaine de recherche, et cette attention tout à fait prononcée justement pour les sources et pour les données natives du web et en général issues d'un contexte d'interaction et de communication numérique. Et justement, je me suis trouvé un peu, je dirais, un décalage par rapport à l'approche, parce que mon parcours de recherche est un parcours, je dirais pas assez classique, parce que déjà du point de vue géographique, je ne suis pas classique, j'ai changé plus souvent de pays que de coupe de cheveux, bon là, c'est du passé. Et donc voilà, le parcours classique est un parcours de sociologie des usages informatiques. Donc en gros, en sociologie, on s'interroge sur comment les interactions sociales peuvent être assistées par les ordinateurs, reconfigurées, repensées grâce aux technologies de l'information et de la communication. Bien sûr, cela ouvre sur des enjeux pour le digital humanities, et je vais m'efforcer de montrer comment ces enjeux se dessinent, peut-être un peu en creux, donc peut-être déjà montrant quelles sont mes méthodes ou quelles sont mes préoccupations de recherche. Et c'est pourquoi... Oui, donc plus ou moins la structure que j'ai donnée à cette intervention d'aujourd'hui est d'abord de vous montrer la structure même du livre Les liaisons numériques, donc ces trois dimensions que j'attribue au phénomène de la sociabilité en ligne ou assistée par les ordinateurs, le côté de l'espace et donc l'essor du mythe du cyberespace que je m'efforce de démentir. La deuxième dimension, c'est la dimension du corps, donc comment on projette une identité, une présence, une mise en scène de soi en ligne, et donc ce grand mythe du corps virtuel, encore une fois, je m'efforce de vous donner. Et le troisième mythe, c'est le mythe de la désocialisation, donc ça c'est une préoccupation tout à fait typique des sociologues. Est-ce qu'on est en train de s'atomiser, de s'autonomiser jusqu'à la pathologie, jusqu'à l'anomie, jusqu'au moment à arriver à une rupture du lien social. Bon, je pourrais dire, je pourrais vous inviter à intervenir et à poser des questions au fur et à mesure. Je le fais d'ailleurs. Je sais aussi que l'année dernière, la structure du séminaire était un peu différente, c'est-à-dire que, surtout grâce au fait qu'on est en train de tweeter en même temps, on a plutôt tendance à concentrer les questions à la fin. Bon, voilà. Les questions, par contre, j'imagine, vont se concentrer surtout sur la deuxième partie, qui est la partie consacrée aux enjeux méthodologiques. Je vais dire aussi aux enjeux éthiques. Pour moi, les deux vont toujours ensemble, liés au type de données dont on se sert en sociologie des usages et des données dont on se sert aussi en digital humanities. Parce que, et là on va le voir, l'intérêt est non seulement de faire une différence entre des méthodes ou des données quanti ou quali, mais aussi de prendre en compte la dimension relationnelle et donc de prendre en compte les données relationnelles qui posent tout un tas de problèmes qui sont souvent laissés un peu de côté, non seulement par mes collègues, mais dans d'autres disciplines aussi. Donc en gros, on traite les données disponibles en ligne sans se soucier, bien sûr, du type d'enjeux sociaux au niveau des groupes, au niveau de la vie des individus qu'on étudie. Et cela, bien sûr, ouvre sur des questions de nature éthique. Les sources, ou plutôt, en gros, les images que je vais vous montrer, parce que je vais avoir une approche strictement visuelle, cherchent surtout à restituer une dimension historique. Parce que Les liaisons numériques est un livre qui a une visée, enfin, une ambition, qui est non seulement l'ambition de montrer un éventail d'outils théoriques, d'outils de recherche, de méthodologie qu'on emploie en sociologie du web, mais aussi de montrer une dimension diachronique du phénomène du numérique. Parce qu'on a trop souvent eu envie de projeter des fantasmes de modernité ou de futuribilité sur les usages numériques. Et au niveau du débat public, on a encore aujourd'hui une tendance assez marquée, surtout en Europe, je dirais, à voir dans les usages numériques une sorte de représentation de notre futur ou de nos possibles. Je n'exclus pas cette dimension, mais j'insiste surtout sur le fait que ça fait désormais 202 siècles, plus ou moins, qu'on traite avec les machines à calculer de ce type. Du type actuel. Ça fait plus de 60 ans qu'on a affaire à des ordinateurs et ça fait 30 ans désormais qu'on a affaire à des échanges ou à des interactions sociales assistées par des ordinateurs. Je parle surtout de l'essor de l'informatique de masse dans les années 80, j'en parle dans le livre, c'est d'ailleurs cette description, cette restitution d'un cadre historique que le livre commence, mais c'est aussi, et là je rentre un peu dans le détail des trois mythes, sur une question qui est la question de l'espace. On a souvent insisté sur le fait que Internet est porteur d'une dimension spatiale, ou plutôt d'une préoccupation d'une problématique de l'espace. Cette problématique de l'espace a été, dès le début, déclinée, présentée comme une sorte de promesse d'un transfert, d'un déplacement vers un espace autre, un au-delà numérique. Donc c'est le grand mythe du cyberespace qui, depuis la moitié des années 80, a traversé les imaginaires et les représentations sociales des usagers du numérique et de la société en général. Donc on se représente, ou on sera présenté plutôt le cyberespace comme une sorte d'étendue vide, de l'espace d'information pure, d'espace transcendant par rapport à notre quotidien. Mon effort est d'abord de montrer qu'il n'y a pas de décalage possible entre notre quotidien et l'espace où les interactions assistées par l'ordinateur ont lieu, mais qu'à un certain moment, on a voulu inventer, créer cette grande utopie. Alors je sais que Pierre aussi est en train de réfléchir à une histoire du cyberespace, et c'est une histoire qui, à mon avis, est tout à fait fascinante et a encore à écrire, surtout parce que les seules réflexions, enfin, les seules les travaux théoriques importants qui ont cherché à créer des repères pour réfléchir à cet espace autre, bah, remontent au début des années 90. Je pense au travail de Michael Benedict, qui avait publié un livre très important en 91 qui était Cyberspace First Steps, donc le premier pas dans le cyberespace. Un ouvrage que je vous conseille encore aujourd'hui, bah, déjà un peu comme effet d'archéologie du savoir, parce que justement il proposait à cette époque cette idée du cyberespace comme quelque chose qui allait nous éloigner dans de notre réalité polluée, dégénérée, notre réalité qui était faite de dangers, de violences, de risques, et donc il présentait le cyberespace comme l'espace où tout était possible, où il n'y avait que des possibilités, et donc une sorte de paradis transcendant, un paradis donné, une actualisation du mythe chrétien de l'au-delà. Une autre auteure, Margaret Wertheim, j'ai prononcé le prénom à l'anglais et le nom à la française, Margaret Wertheim. Margaret Wertheim est une Australienne qui a écrit un livre qui s'appelle The Pearly Gates of Cyberspace, qui est encore connaît cet auteur, et encore une fois, elle insistait sur les continuités entre l'imaginaire de l'au-delà dans le Moyen-Âge chrétien et les imaginaires et aussi les visualisations comme celles que vous voyez là et qui remontent à 26, je crois, donc c'était une visualisation de l'architecture d'une partie d'Internet. Donc voilà, il y a une sorte de continuité entre ces imaginaires anciens et les représentations sociales qu'on associe actuellement avec, ou qu'on associait il y a quelques années à peine, à Internet. Et il y a un chapitre de Les liaisons numériques qui parle de villes numériques et de villes célestes, parce que, encore une fois, ce n'était pas seulement une étendue, mais qu'on représentait quand on parlait du cyberespace au début des années 90, ou même à la fin des années 80. Mais justement, c'était une étendue peuplée où on avait des groupements humains. Et ces groupements étaient organisés dans des villes qui affichaient les mêmes caractéristiques, là encore c'est Michael Benedict que je cite, les mêmes caractéristiques que les villes célestes, donc la Jérusalem céleste des chrétiens du Moyen-Âge, mais ça doit remonter même à l'Antiquité, à Saint-Augustin. Donc les propriétés, les qualités de ce cyberespace étaient la radiance, la pureté, la légèreté, donc des propriétés qu'on a eu tendance à associer à ces espaces pendant un long moment. Et si vous voulez, c'est un mythe difficile à démystifier, à éloigner, parce que, et ça c'est l'élément important pour moi, on projette sur ces espaces, ou plutôt ces contextes d'interaction en ligne, des tas de desiderata et de atteintes de nature sociale. Donc en gros, on s'imagine que l'un de ça, l'écran, est un espace de danger et pollution, l'autre espace devient forcément un espace où la régénérescence est possible. La donne a changé, et là encore la dimension diachronique, ou plutôt l'approche diachronique au phénomène du numérique, nous aide à voir que depuis l'essor de la géolocalisation et en général une approche qui se veut plus micro-locale aux usages numériques, on a une sorte de superposition, de mise en boucle, heureusement, entre cet espace rêvé et l'espace vécu, traversé, les trajectoires de l'écoumène, donc de la surface terrestre. Les cartographies ou les grands efforts de cartographie des dernières années, comme Google Maps, surtout les cartographies participatives, nous ont justement montré que les usages numériques doivent et peuvent s'articuler d'une manière extrêmement riche avec les trajectoires justement des espaces physiques. Là vous voyez par exemple un écran d'un projet qui s'appelle Hacking for Health, donc faire du hacking pour la santé. Moi, je m'intéresse beaucoup à la sociologie de la santé ou à la e-santé, donc la santé en ligne, et je trouve tout à fait intéressant, quoique discutable sous certains points de vue, des projets de ce type qui cherchent par exemple à montrer une trajectoire possible d'un usager entre un point A et un point B, et qui montrent aussi tous les détours possibles, tous les points où cet usager peut aller pour acheter de la nourriture, des nourritures organiques, bio, voilà, du bio. Bon, encore une fois, les promesses sont évidemment surdimensionnées, surtout si on considère, si on ajoute, si vous voulez, un petit enjeu de disponibilité financière ou de niveau socioculturel qui est nécessaire pour se servir de ce type d'application, mais justement le fait d'insister, chose qu'on peut faire aujourd'hui et qu'on fait couramment aujourd'hui dans la sociologie du web, sur le statut socio-économique des usagers est l'une des clés d'entrée dans la problématique centrale, qui est justement de se demander comment les espaces ou les interactions assistées par les ordinateurs s'articulent avec les interactions hors ligne. Et ceci est ou reste le questionnement central pour moi et pour d'autres aussi. Donc vous voyez que là je suis décidément en train de m'éloigner un peu des thématiques de Digital Humanities. Encore une fois, si vous avez besoin de me recadrer ou alors de... Vas-y, ok, voilà. On m'a donné une définition vraiment extrêmement ouverte dans le manifeste que tu as signé. Je sais, et en même temps... Tu n'es pas à l'intérieur d'une zone illégale pour le moment, tu es encore à l'intérieur de l'espace Schengen. Je sais, oula. Sachez qu'en tant qu'Européen, je peux être reconduit à la frontière, d'ailleurs il faut se demander laquelle, dans mon cas, mais voilà. Comme on parle de frontière, ça c'est une transition par la politique. Quelqu'un te pose une question, tu fais semblant d'échanger avec lui, mais il t'a déjà ton PowerPoint prêt. Bon, triste réalité, que disais-je ? Oui, des frontières. Les frontières, les espaces, je reviens à ce que je disais. Et le fait que, surtout, on a actuellement, on connaît actuellement le phénomène de l'informatique ubiquitaire, donc un contexte de pervasivité des données et des données échangées. Donc non seulement l'information est accessible, je mets ça dans beaucoup de guillemets, partout, et les guillemets bien sûr sont dus au fait qu'on est en train de parler d'un contexte qui est le contexte européen, d'une grande ville européenne, et qu'on est tous encore une fois à un certain niveau socio-culturel et économique, qui nous permet de dire que autour de nous il y a presque partout des bornes Wi-Fi, et ces bornes Wi-Fi, malgré certaines contraintes et certaines limitations, sont désormais, ça c'est une tendance, accessibles un peu comme le courant électrique. Donc la banalisation et la démocratisation de ces usages fait en sorte que notre regard change et se réoriente, et qu'on arrête de penser en termes de... on arrête de penser aux échanges informatiques comme des échanges qui se passent dans un au-delà, mais justement à des échanges qui peuvent avoir lieu partout. Et comme on ne dit pas que je rentre dans le réseau électrique à chaque fois que je branche un électroménager dans une prise de courant, on remarque qu'en 2010, on arrête, sauf dans certains milieux, de parler de rentrer dans Internet ou rentrer dans Internet. On abandonne aussi des tas de métaphores spatiales qu'on avait associées aux usages informatiques, parce que depuis le début, le numérique était caractérisé par un usage de deux types de métaphores. Les métaphores de l'ouverture, donc encore une fois on parlait de cyberespace, on parlait de frontières électroniques, ou alors on avait aussi des métaphores maritimes, on parlait donc de surfer le net, de naviguer en ligne, etc. Mais il y avait tout un autre répertoire rhétorique, un répertoire qui renvoyait plutôt à un espace clos, un espace fermé. Donc c'est le répertoire des maisons. Donc on parlait de home page, page d'accueil. J'insiste beaucoup sur le fait que l'accueil et l'hospitalité sont vraiment deux dynamiques, deux processus sociaux très importants dans la structuration historique et sociale du web. Donc on parlait de page d'accueil, on parlait d'adresse électronique, on parlait de courrier, donc encore une fois, c'est des métaphores. Bah, même justement Windows, le nom de ce logiciel phare, plutôt de ce système d'exploitation phare des années 90, bah, a été envoyé justement à l'espace tour des maisons. Et ceci, à mon avis, est encore une fois lié à une dynamique sociale et historique à laquelle on a assisté depuis la fin des années 70, le début des années 80, la miniaturisation et la domestication des usages informatiques. Tout historien des techniques pourra vous confirmer qu'en gros on a vu une espèce de déplacement du lieu où, bonjour, les ordinateurs sont accessibles. Et donc si au début ou dans le deuxième après-guerre c'était surtout dans les bases militaires et dans les universités et dans les établissements industriels qu'on avait accès à, aux ordinateurs de l'époque, qui d'ailleurs, comme taille, étaient tout à fait énormes. Et si vous vous rappelez le nom de l'un des premiers ordinateurs, Colossus, bah, déjà le nom était assez parlant, et les autres, comme les Univac et les autres logiciels deuxième après-guerre, c'était ils étaient appelés les Big Irons, donc les tas de ferraille. Donc, ils faisaient 3 tonnes et ils étaient grands comme une salle. Alors que les ordinateurs des années 60 et 70 ont eu tendance à rétrécir et à s'adapter à d'autres contextes d'utilisation. Donc, on a eu aussi droit aux premiers ordinateurs portatifs qui faisaient à peine 30 kilos à l'époque. Je pense à IBM qui avait lancé son premier ordinateur, le premier portable, entre guillemets. 30 kilos, c'est une grosse machine à laver. Et moi-même, je me rappelle mon propre premier Commodore 64 portable, c'était un truc qui faisait 11 kilos et il était allé ici. C'était assez important. Mais justement, pour les personnes de mon âge, hein, le phénomène de l'arrivée des ordinateurs à l'intérieur de foyers a été effectivement un événement marquant non seulement du point de vue des pratiques réelles, effectives, mais aussi au niveau des imaginaires. Time, magazine américain, le 1er janvier 1983, nommé son homme de l'année, c'était pas l'homme de l'année pour cette année-là, mais c'était Machine of the Year, et la Machine of the Year, c'était justement l'ordinateur qui s'installe dans les maisons, moves in. Donc il aménage à l'intérieur des foyers et il s'installe justement dans un contexte qui, tout synthétiquement, a été présenté comme un contexte familial. Donc c'est important de voir aussi que l'ordinateur reconfigure ou a reconfiguré à un moment donné les espaces de la maison, et j'emploie exprès le pluriel, je parle d'espace de la maison parce que même d'un point de vue disons d'approche anthropologique, on peut considérer qu'une maison est faite d'un espace géographique, donc un endroit, mais il y a aussi un espace social, donc le tissu des familles ou des personnes qui habitent dans cette maison et des relations qui se tissent entre eux, que l'ordinateur aide à reconfigurer. Et le troisième est un espace technologique, parce que une maison est aussi faite d'un ensemble d'équipements et de, dans le cas précis de nos maisons à nous, aussi d'électroménager. Donc l'ordinateur est peut-être au début à l'électroménager comme les autres, mais à l'électroménager qui nous impose de reconfigurer un ensemble d'équilibres qui sont tout d'abord des équilibres sociaux. Et si, encore aujourd'hui, par exemple, on met l'accent sur la question des digital natives, donc des enfants qui seraient prédisposés plus que les adultes, plus que les personnes âgées, à se servir de ces ordinateurs, c'est parce qu'encore on hérite de ce discours des années 80 qui était le discours des computer babies. Les computer babies, là, c'était les gens de mon âge. Déjà étaient des individus qui étaient mis dans une sorte de démarche d'autonomie ou alors de prise de pouvoir, prise de parole, plus ou alors de manière différente par rapport aux générations précédentes. Je ne considère pas que les computer babies, et après dans les années 90, les internet babies, et après dans les années 2000, les digital natives ont quelque chose de biologiquement ou de culturellement révolutionnaire par rapport aux autres générations, mais clairement, le regard que les adultes portent sur ces générations, ou le type d'injonction d'autonomie, d'injonction d'usage, même des usages informatiques que les adultes projettent sur les enfants, est un phénomène pour moi tout à fait important et qui doit être pris un examen, et malheureusement encore aujourd'hui une anthropologie des digital natives n'a pas vraiment été entamée, c'est-à-dire une anthropologie qui garde aussi une sorte de distance critique par rapport au discours qu'on trouve partout dans l'espace public. Et j'ai oublié qu'est-ce que j'ai... Ouais. Ah oui, ça c'est comme illustration de l'espace public, et pour ceux qui ont lu le livre, il s'agit d'une image qui est tirée d'une boîte pour une console de jeu, qui met en scène justement un contexte d'interaction familiale, et à mon avis c'est vraiment un résumé de toute une époque, et je ne parle pas seulement des coupes de cheveux ou des chemises, ou même des rideaux, mais justement il y a déjà résumé dans cette image déjà un décalage par sexe, donc vous voyez les garçons d'un côté, les filles de l'autre côté, une structuration hiérarchique par âge, donc les adultes qui occupent la partie supérieure de l'écran, alors que les enfants justement sont plus proches de la machine à jouer en l'occurrence, mais il ne faut pas oublier que pour l'époque c'était surtout considéré comme une machine à calculer, toute une mise en scène des attitudes, encore une fois différenciées, des attitudes vis-à-vis de l'objet informatique ou de la pratique informatique. Donc vous voyez le père qui est en train de prendre l'enfant, le garçon, et le prendre ici par les bras et presque le projeter dans l'écran, parce que si vous voyez un peu le type d'imaginaire, et encore une fois, je parlais d'injonction technologique, là, il y a une mise en scène assez parlante, alors que la mère, elle s'élève un peu à l'écart, et elle regarde, d'une manière bienveillante, bien sûr, sa fille qui effleure à peine la machine. Donc, encore une fois, une certaine mise en scène du genre, une certaine mise en scène des équilibres des sexes, une certaine mise en scène des équilibres entre les générations, et je reviens un peu au fond à ce rideau avec ce motif floral assez bouleversant pour aujourd'hui, mais c'est important, le rideau est fermé. On arrive à créer une sorte de bulle intime dans laquelle l'interaction qui se fait autour de la machine à jouer, de la machine à calculer, de la machine à informer, a lieu. Et pour moi, la question de l'intimité, pour moi et pour d'autres chercheurs beaucoup mieux préparés que moi sur le contexte, le sujet, l'objet de l'intimité est central. La question de l'intimité est centrale parce que les ordinateurs ont été historiquement pensés et conçus comme des objets, comme des machines à repenser l'intimité. Ils nous imposent de créer certains équilibres intimes et en même temps de le mettre en scène dans un contexte public. Et ça, bien sûr, je renvoie donc aux travaux de Serge Tisserand sur l'extimité, sur le fait qu'on est en train de prendre des instances intimes et les présenter dans un contexte public pour qu'elles soient validées, cautionnées par les autres. J'associe aussi la question de la protection de la vie privée, de la privacy, à cette question de l'extimité. Je ne vais pas rentrer dans le détail, surtout parce que je n'ai pas trouvé des visualisations ou des images qui me permettent de suivre, de présenter très bien la question de la vie privée. Je vous renvoie au chapitre du livre qui traite ce sujet. Là, j'aimerais, toujours pour continuer sur l'idée des ordinateurs portatifs, c'est un ordinateur, c'est pas quelque chose qu'il faut voir. Donc, c'est une image qui remonte à 1982 et une image qui m'a été offerte, pour ainsi dire, par Olivier Boisseau, qui est l'animateur d'un site tout à fait remarquable qui s'appelle Old Computers. Et donc, c'est tout simplement un musée d'ordinateurs, c'est un endroit pour Uber Geek. J'en parle souvent, j'en parle dans le livre, j'en parle dans d'autres articles, je traite, j'exploite les images et les archives de Old Computers. Cette image, à mon avis, représente aussi un autre élément central de la réflexion sur les usages informatiques, la question de la proximité entre la machine à calculer et le corps. Et donc le fait qu'au début des années 80, et bien sûr cette tendance, ce processus s'intensifie dans les années 90, on a eu une envie de intérioriser la machine à calculer. Et donc de voir les usages informatiques comme quelque chose qui avait trait aux usages du corps ou à la corporealité. Et cette image-là parlante, ou représente très bien ce type d'attitude. Donc vous voyez ce jeune homme qui a un peu cet air de Cary Grant, qui regarde un horizon éloigné, encore une fois la promesse utopique, le type d'attitude futuriste au sens, pas au sens de Marinetti, mais futuriste au sens de se projeter dans le futur, donc confiance à la joie de rendre dans le futur. La chemise ouverte, donc une beauté physique qui en même temps trahit une certaine tension au niveau justement de la machine à calculer. C'est-à-dire qu'il cherche à serrer, l'ordinateur à soi et il le rend dans une espèce de cercle, dans une espèce de tension très très forte qui pousse l'ordinateur vers ses entrailles presque. J'en parle beaucoup dans un article que je viens de mettre en ligne mais qui en réalité va être publié dans The Body and Society, qui est une revue anglaise. Donc le numéro de décembre a publié cet article qui s'appelle A History of Virulence, donc une histoire de la virulence, où je parle beaucoup de cette continuité entre viralité, virulence, viralité-virulence et viscéralité. Donc cette envie d'intérioriser la machine à calculer, de la associer même aux entrailles. Bien sûr, la référence, je dirais théorique, mais aussi littéraire, est celle de Bruce Sterling, donc le grand théoricien du cyberpunk, qui avait publié en 1988 une anthologie de la littérature cyberpunk, s'appelait Mirror Shades, en français c'était Mozart en vert miroir, je pense. Lunette miroir, merci. Et dans l'introduction, il disait que la différence entre la technologie du début du XXe siècle et la technologie de la fin du XXe siècle était justement dans cette envie de toucher la machine, la faire coller au corps, la faire pénétrer sous la peau. Alors là, vous voyez que j'ai choisi une approche, encore une fois, renvoyé à des sources littéraires ou à des sources visuelles, mais le souci est surtout de montrer que dans la dynamique historique et sociale qui a imposé les usages informatiques et qui a démocratisé les usages informatiques, on a un souci de la corporéité qui est un souci inéliminable. Du coup, ça devient pour moi presque incompréhensible l'accent mis constamment encore aujourd'hui sur l'idée de la virtualisation du corps, de la vue au corps, ou alors du fait que les ordinateurs ou la culture des ordinateurs seraient intrinsèquement en train de nous éloigner de la charnalité ou de notre vie en chair et en os. Bien sûr, je pense aux travaux de Lucien Spaeth sur la santé parfaite, je pense aux travaux de David Le Breton sur la vie au corps, et d'autres collègues, j'en passe, il y en a d'autres, qui ont travaillé surtout entre la fin des années 90 et le début des années 2000, qui se sont efforcés justement de montrer que dans le numérique et surtout dans le phénomène, dans ce contexte, dans ce sous-ensemble du numérique qu'on a appelé à un certain moment le virtuel, on a toujours voulu éloigner, aliéner la corporealité. Pour moi, ou alors, selon les données et selon les sources auxquelles j'ai eu accès, c'est plutôt le contraire qu'on peut observer, l'opposé, c'est-à-dire qu'on a eu toute une insistance, une volonté de reporter, reconduire toujours à l'expérience sensuelle d'appropriation des usages informatiques. C'est une image que j'ai tirée d'une publication hacker des années 80, s'appelle Datenschleuder, donc vous pouvez imaginer qu'elle était une publication allemande, et c'était un peu le magazine officiel d'un groupe de hackers assez important, donc le Chaos Computer Club de la ville de Hambourg, comme on dit en français. Ouais, voilà. Et après, ils sont installés à Berlin. Cette image, déjà, représente quelqu'un qui dresse une table et qui va manger l'ordinateur, encore une fois. C'est permis de le faire pénétrer sous la peau, de le faire rentrer dans le cœur même, avec toutes les opportunités, tous les risques qui s'ouvrent suite à cette incorporation de la machine à calculer, de la machine à communiquer. Et là, on arrive un peu à une autre manière de penser le corps. Parce qu'une fois que j'ai pu au moins présenter la thématique du corps et dire justement que la propriété est partout dans la culture du numérique, là je m'efforce aussi de donner quelques manières, quelques outils pour penser cette propriété. Et dans le livre, dans les désordres numériques, je parle donc d'une certaine manière, d'une certaine taxonomie des traces corporelles en ligne, et d'une manière extrêmement simple et accessible, je dis que je parle de trois types de traces, les traces monodimensionnelles, les traces bidimensionnelles, les traces tridimensionnelles, 3D. Les traces monodimensionnelles sont celles qui tiennent dans une ligne, donc, ou alors quelques signes à peine, et le smiley, donc les émoticônes, sont à mon avis un exemple extrêmement clair, parce que extrêmement démocratisé, et en même temps extrêmement fin de cette manière de mettre en scène le corps grâce à un point virgule, un tiré et une parenthèse. Vous voyez surtout que, bon, si vous connaissez un peu les interactions en ligne dans d'autres pays ou dans d'autres contextes géographiques, vous savez qu'il y a une différence assez importante entre les émoticônes de style occidental, qui donc représentent le sourire de cette façon, le rire comme ça, la tristesse et d'autres émotions ou d'autres gestualités de cette façon, mais que par contre, au Japon, ou aussi à Taïwan et dans certaines régions de la Chine, on représente le sourire de cette façon ici. Donc le visage est tenu entre les deux parenthèses, les deux yeux souriants, c'est les yeux qui sourient, et la bouche est presque suggérée. Alors que la jubilation est représentée de cette autre façon, donc c'est les yeux qui sourient et la bouche est ouverte, etc., etc. Et on peut même représenter justement les gestes des bras, bon, j'en passe, mais tout à fait fascinant, une manière synthétique de représenter, de mettre en scène une présence physique qui, bien sûr, continue avec les traces bidimensionnelles. Donc c'est des traces qui arrivent à représenter une présence humaine. Là j'ai choisi un exemple un peu pointu, hein, mais une photo peut suffire, une vidéo peut suffire, même un texte qui fait plusieurs lignes peut suffire pour mettre en scène une présence physique. J'ai voulu choisir donc une capture d'écran de Habitat, qui était une vieille... un vieux jeu en ligne, mais c'était un peu déjà un monde immersif et qui a un peu préparé d'autres mondes immersifs comme Cybertown, Active World et après, plus récemment, Second Life. Là aussi, on arrive donc aux représentations 3D qui restent, et j'insiste toujours beaucoup sur le fait qu'ils restent minoritaires. Ce n'est pas pour tout le monde d'avoir un avatar. Surtout parce que ce n'est pas pour tout le monde de consacrer des heures et des heures à personnaliser, à customiser ses avatars. Si on regarde les statistiques, les chiffres sont tout à fait clairs sur cela, on a presque 2 milliards d'utilisateurs et on a, et ça c'est vraiment des estimations sauvages, maximum 200 millions d'avatars. Alors 200 millions d'avatars, c'est vraiment énorme, c'est vraiment des statistiques auxquelles je ne fais aucune confiance. D'autres, un peu plus, réalistes, parlent de 20 millions d'avatars. Encore une fois, 20 millions d'avatars, c'est énorme, mais c'est minuscule par rapport à la population totale d'Internet. Pourquoi ? Parce que le fait de d'abord avoir accès à des jeux en ligne ou avoir accès à des mondes immersifs, ce n'est pas pour tout le monde, au niveau d'intérêt, déjà, au niveau de temps consacré à cela, au niveau de temps consacré à personnaliser un avatar. Les personnes que j'ai pu interviewer, surtout les gamers, c'était avant Second Life, après je pense que la situation est devenue encore plus claire ou encore plus forte, consacrer 35 heures, de 35 à 60 heures à personnaliser un avatar. Alors, vous voyez, c'est deux semaines de temps plein. Enfin, un temps plein. C'est énorme. Et c'est aussi un autre élément pour moi très important de faire une sorte de d'études que j'ai fait à une époque, et j'ai publié un article en 2005 qui s'appelait les avatars bleus sur l'avatar de base, sur l'avatar que des services comme à l'époque Cybertown vous proposent au moment où vous rentrez dans ce service. Et donc bien avant le film de Cameron, j'insistais sur le fait que le bleu et le translucide et ce type de personnage poli, lisse, donc avec une surface qui n'a aucune personnalisation encore, aucun trait caractéristique, était une manière d'une part de représenter le everyman de ces mondes immersifs, mais aussi qui renvoyait à certains idéaux ou à certains mythes de dieux bleus, comme dans la tradition hindoue, dans la tradition chinoise. C'est toujours des dieux qui sont là, qui sont là pour protéger la santé des êtres humains, ou alors pour véhiculer une sorte de régénérescence du corps, de renaissance, mais aussi tout un imaginaire et tout un répertoire visuel qui renvoie plutôt aux super-héros, et aussi dans le monde des super-héros, surtout si vous êtes des lecteurs des comics Marvel, vous savez qu'il y a des tas de personnages qui sont un peu de ce type-là. Même si vous ne lisez pas Marvel, vous connaissez Watchmen, il y a un personnage central qui est complètement bleu. Oh, tiens, j'avais justement une vidéo. Une vidéo qui est tirée d'un monde numérique en ligne de 1995. le monde s'appelait Bodies Incorporated et avait été conçu bien avant Second Life par une artiste qui s'appelait Victoria Vesna et qui avait conçu ce monde comme un espèce de lieu d'exposition et d'interaction d'avatar. Vous voyez, encore une fois, un personnage, une sorte de présence fantomatique et fantasmatique qui évolue dans un contexte complètement métaphysique, dans lequel vous avez des formes pures. Bien sûr, certains ont voulu parler de hyper-uranios au sens platonicien du terme. Je considère encore une fois qu'il y a beaucoup de continuité avec les imaginaires des espaces, des au-delà chrétiens. Mais c'est aussi pour vous montrer qu'on a fait vraiment des pas de géant depuis 1995 pour arriver à Second Life ou à World of Warcraft. J'arrête là parce que voilà, l'archéologie, c'est sympa pendant une minute, deux minutes après. Oui, par contre, on a aussi d'autres types de sources qui nous renvoient à des images moins angélisées des usagers et donc d'autres types d'attentes, d'autres types de desiderata qu'on projetait sur les technologies numériques. Bien sûr, tout le succès du porno sur Internet, je ne rentre même pas dans le sujet parce qu'il mériterait un autre livre, ou plusieurs livres d'ailleurs, et d'ailleurs il y en a. Mais sur la question du sexe virtuel, on a aussi beaucoup insisté pour montrer aussi que les désirs, les projections imaginaires de l'époque étaient tellement prononcés qu'on arrivait à mettre en scène des technologies qui n'existaient pas. C'était une couverture de Future Sex, un magazine californien de 1992. C'était, je pense, le deuxième numéro. Oui, peut-être, je n'arrive même pas à lire. Mais c'était du photoshopage. C'était un faux. Et ces prototypes-là, de sexe virtuel, donc cette espèce de bikini spécial pour femmes et pour et bien sûr pour monsieur quelque chose d'encore plus explicite, il n'existait pas. Les seules personnes qui ont cherché à véritablement créer des prototypes comme celui-là étaient des artistes. Il y a un artiste norvégien qui s'appelle Stark Stensley qui a conçu la seule application de sexe virtuel, donc de sexe à distance, en état de marche. En 95, donc quelques années après, 93, pardon, donc l'année suivante. Et je l'ai interviewé plusieurs fois et il m'a justement raconté qu'il s'était un peu inspiré à ce type de l'imagerie, mais qu'en réalité, pour lui, vraiment, l'intérêt était de voir qu'est-ce qui pouvait se passer au moment où vous mettez les utilisateurs humains dans une situation de sexe à distance, de tel dildonic, comme on disait à l'époque. Et le résultat était assez décevant, c'est toujours important pour mesurer l'écart entre le fantasme et la réalité, parce qu'il m'a raconté qu'il a testé le prototype pendant 10 ans, et ils sont arrivés à avoir un orgasme. Un orgasme sur 10 ans, ça me paraît. Non, bon, ça se discute. Oui, ça c'est d'autres applications qui exploitent le même principe. Encore une fois, donc ça c'est des schémas qui remontent au début des années 80 et qui justement montraient des interfaces dites de l'époque virtuelle et qui étaient en gros des interfaces de télérobotique. Donc vous avez un utilisateur humain avec ce casque caractéristique, on va y revenir avant la fin j'espère, et qui actionnait un robot. Les applications, et là j'en viens aussi à mon fonds de commerce, les applications les plus importantes et les plus intéressantes des années 90 étaient dans le contexte de la santé assistée par les ordinateurs. Et là vous voyez qu'il y a encore une fois un souci corporel qui se manifeste à travers cette préoccupation pour la santé et sur ce type de responsabilité qu'on attribue aux aux technologies de l'information et de la communication de sauver ou de préserver notre santé. Alors là, les applications chirurgicales, on les a aujourd'hui, on les étudie heureusement autant dans le contexte de la biomédecine que dans le contexte des sciences et de l'information, que même en anthropologie. D'ailleurs, les travaux, par exemple, de Marie-Christine Pouchel sur l'ethnologie, l'ethnographie du bloc opératoire assisté par les robots sont quelque chose d'absolument remarquable. Ils ont été publiés, ces recherches, dans un numéro de communication, de la revue Communication, un numéro de 2008, je pense. Mais ce n'est pas seulement avec les applications chirurgicales qu'on a obtenu des résultats importants. Et encore une fois, j'en parle dans le livre. Pour moi, le phénomène le plus remarquable des dernières années est le phénomène de la e-santé, ou alors de la santé assistée par les ordinateurs, surtout assistée par les réseaux, parce que je parle surtout de communautés en ligne de patients, et surtout de patients de maladies chroniques. Et bien sûr, la définition même, au-delà des critères diagnostiques, la définition même de maladie chronique est en train d'évoluer grâce aussi à Internet. Parce qu'on peut considérer aujourd'hui comme une maladie chronique un cancer, au-delà de sa traitabilité, dans la mesure où il vous met dans une situation dans laquelle vous avez une espérance de vie plus importante qu'auparavant, et donc un besoin surtout de personnalisation de l'assistance, de l'aide, du type de conseil de santé. Et ce type de durée ne peut pas être assuré par les experts, par les médecins, qui bien sûr sont excellents pour avoir un cadre général de la maladie ou de la pathologie, mais n'arrivent pas à rentrer, ou plutôt à articuler leurs connaissances avec le cadre de vie des patients. Et là, effectivement, on remarque que dans les situations de maladie chronique ou de handicap, la présence d'autres personnes qui sont dans la même situation et qui en même temps sont capables de respecter les particularités des autres arrive à créer dans des communautés en ligne des dynamiques de coopération, d'entraide, de création de bases de connaissances qui parfois se passent de la médiation des médecins. Et là, on a affaire à ce qu'on appelle la apomédiation, donc la désintermédiation médicale. Donc on se passe du médecin, ou alors on se sert des médecins pour, en gros, avoir un avis supplémentaire qui s'ajoute à l'avis et des pairs et des personnes qui sont dans la même situation. Le fait d'avoir parlé de e-santé, même si, bien sûr, je viens à peine d'évoquer le sujet, et je ne vais pas rentrer dans le détail, encore une fois, c'est quelque chose qui me passionne et que je prendrai, je pense, tout l'après-midi, me permet aussi de passer à un autre élément important, c'est-à-dire les utilisations médicales. Là, je passe sur ce point-là, et j'en viens à une étude de cas dont je parle dans les visions numériques. L'étude porte sur les communautés pro-ANA en ligne. Pro-ANA veut dire pro-anorexique. Il s'agit de communautés, bien sûr, la définition pro-ANA est un peu vaste. En réalité, il faudrait parler de pro-TCA, c'est-à-dire pro-trouble des conduites alimentaires, parce qu'il y a des anorexiques, il y a des boulimiques, il y a des personnes qui ont d'autres formes de troubles de conduite alimentaire et qui d'ailleurs ne veulent pas être pathologisés et cherchent une sorte de reconnaissance publique de leur pratique, de leur connaissance, de leur modalité d'échange. C'est pourquoi souvent ces communautés pro-ANA adoptent une attitude militante. Ils revendiquent le droit d'être anorexique, ou le droit d'être boulimique dans certains cas. Clairement, évidemment, cela renvoie à d'autres formes de militantisme et entre guillemets, acceptation de soi et de son corps qui n'ont rien de natif ni numériques qui n'ont rien de spécifiquement numérique. Je pense par exemple au groupe de défense des droits des personnes obèses aux États-Unis, donc Fat Advocacy, dont les pro-anas, surtout les pro-anas anglo-saxons, reprennent certains répertoires d'action publique ou répertoires discursifs. Ce qui est intéressant pour le phénomène pro-ana est que le phénomène pro-ana est là spécifiquement lié aux usages numériques. Et que, bien sûr, vous avez des exemples d'anorexiques qui remontent même au Moyen-Âge, mais en même temps, de sociabilité anorexique ou de sociabilité complètement centrée sur le choix d'être anorexique, là, on a vraiment affaire à un phénomène du web, et je dirais du web 2.0. Et je rentre un peu plus dans les détails, parce que ce troisième, disons, cette étude de cas me permet aussi d'enchaîner sur la troisième partie du livre qui est spécifiquement consacrée à la sociabilisation, donc aux structures sociales qui font surface en ligne, et surtout, disons, la troisième partie est consacrée à déjouer cette idée reçue du fait que l'Internet serait désociabilisant et que le fait de se consacrer aux échanges en ligne enlèverait, ôterait de l'investissement ou de l'énergie qui aurait été normalement consacrée aux échanges hors ligne. Les communautés pro-ANA sont un exemple clair du fait que ce type de, raisonnement par vase communicant, c'est-à-dire si je passe trop de temps en ligne, je n'échange pas en ligne, doit être un peu mis à jour parce que, justement, il s'agit d'usagers, souvent, des, bien sûr, 9 cases sur 10, il s'agit de filles, souvent entre les 15 et les 25 ans, mais on a aussi des cas d'anorexiques décidément adultes, et qui ont des pratiques extrêmement figées et extrêmement figées dans une interaction qui s'appuie sur Internet. On commence avec les blogs, les pages perso comme celle-là, vous voyez, donc encore une fois une sorte de personnalisation d'un espace en ligne qui est basé sur une sorte de création d'intimité dans un espace public, les mêmes types de rideaux mais années 2000, le même type de création d'un espace chouette en l'occurrence, mais aussi cosy, avec une personnalisation, avec une mise en scène des objets même de la chambre d'adolescent, donc le kiki, le stéréo, la photo, les codes couleurs très importants, le rose et le noir pour indiquer les personnes qui sont pro-anorexiques dures, et le bleu pour indiquer les personnes qui sont pro-anorexiques mais qui ont envie de guérir, entre guillemets. Le fait de voilà, la fée, ce petit élément est peut-être remarquable, la fée Anna est une sorte de personnalisation, de création d'une espèce de divinité. Bon, c'est un peu un jeu, mais bon, c'est pas une véritable religion, c'est pas. Mais donc voilà, la fée Anna est la fée de l'anorexie, c'est la fée clochette, mais qui s'occupe, disons, de d'autres questions. D'autres manières d'être anorexique en ligne et d'échanger avec d'autres anorexiques en ligne, ben, c'est d'avoir des forums de santé. Il y en a plusieurs, surtout voilà, actuellement on est en train de faire un travail entre la France, sur la France et l'Angleterre, avec 5 équipes de 5 universités françaises et anglaises. Et on remarque, bien sûr, on a 2 types de forums, les forums fermés dans lesquels, justement, pour les questions éthiques et légales, on n'a pas trop envie de rentrer, mais il y en a aussi des forums publics. Les forums publics, en France, vous allez être peut-être surpris, mais le plus important forum pro-anorexique est le forum Doctissimo. Sur Doctissimo, vous avez des pro-ana qui échangent entre eux, qui se lancent par exemple des défis à la restriction calorique, qui arrivent à ingérer moins de calories sur une journée ou sur une période. Mais là aussi, au-delà du côté, disons, suicidal de l'approche que fait le monde d'être. De vouloir s'afficher d'une manière un peu maudite et torturée comme la personne qui arrivera vraiment à se faire du mal jusqu'à la fin, il y a tout un élément d'entraide. Parce que bien sûr, pouvoir survivre à une restriction calorique continuée demande un certain savoir-faire. Et au-delà du savoir-faire, il y a aussi un savoir choisir, je dirais. Là, c'est une boutique en ligne qui est consacré à des produits pro-ANA. Vous vous demandez peut-être quels sont les produits pro-ANA. Bah, par exemple, les dentifrices. Si vous êtes anorexique pendant une période de temps, vous plutôt important. Et en plus, anorexique, on dit qui purge, donc qui vomit. À certains moments, vous commencez à avoir des problèmes avec vos dents et il faut trouver les pâtes à dents et les dentifrices qui sont capables de cacher le dégât. Et donc, encore une fois, savoir échanger avec les personnes qui savent vous orienter vers les bons produits, les bons services de commerce en ligne, ça devient important. Je vois le trouble sur vos visages. Sachez que moi, je m'étudie depuis 2 ans et quelques. Ça devient anodin pour moi, mais je comprends exactement le type de réaction que ce type de thématique peut provoquer. Eux aussi comprennent très bien, et c'est pourquoi non seulement il y a tout un côté d'échange, un côté de sociabilisation qui se fait autour de ces pratiques considérées souvent comme des pratiques déviantes, mais il y a aussi tout un souci de sensibilisation du grand public. Ils ne parlent pas de prosélytisme parce que décidément ce n'est pas un mouvement qui cherche à créer des prosélytes. D'ailleurs, un peu comme les joueurs de jeux vidéo, ils détestent les newbies. Ils détestent les nouveaux qui se pointent dans leur forum, ils cherchent toujours à les casser, mais en même temps, ils sont toujours constamment pris dans une démarche de sensibilisation, et ils créent aussi des sites qu'ils appellent des universités des TCA. Ça s'appelle University of EDNOS. EDNOS, c'est-à-dire troubles des conduites alimentaires non spécifiés. Et vous avez dans ce sujet, à le lire moi-même, pas trop, mais vous avez dans cette espèce d'université des modules didactiques que vous pouvez télécharger pour apprendre à être un bon anorexique. La même chose vaut pour la boulimie, la même chose vaut aussi pour d'autres troubles des conduites alimentaires. Donc vous voyez, il y a vraiment une véritable création d'une base de connaissances qui s'appuie sur le web, qui s'appuie sur les échanges en ligne. Et un autre excellent exemple est, bon, c'est un site généraliste, ProAnna. D'ailleurs, je pense qu'il a été censuré. Il y a une migration constante, donc ce site n'existe plus, je crois, à aujourd'hui. Mais c'était un site qui avait une structure assez classique. Vous avez un forum d'échange et après vous avez une autre section qui s'appelle Teenspo. Teenspo est le jargon pour Teenspiration, donc l'inspiration à migrer. Ils se donnent, ils s'envoient des photos, ils échangent des fichiers, souvent des photos ou alors des images un peu glamour comme celle-là, donc qui est dans un magazine de mode, ou alors des photos de prise face à une glace, à un miroir, pour montrer l'évolution de leur pratique anorexique. Alors, vous voyez par exemple que ça, c'est premier échelon, deuxième échelon, troisième, quand elle a atteint son poids idéal. Je cherche, encore une fois, à garder une distance critique qui fait en sorte que je vous donne l'impression que c'est, comment dire, que je n'ai pas de position vis-à-vis de ça. Je reconnais aussi que c'est extrêmement inquiétant, mais je reconnais aussi qu'il y a un élément de contrôle que ces individus pro-anorexiques et pro-boulimiques arrivent à avoir sur leurs propres pratiques et sur leurs propres troubles, même si certains reconnaissent clairement qu'il s'agit de troubles et d'autres pas plutôt de choix, parce qu'ils ont créé justement une structure sociale qui est une structure qui s'appuie sur les échanges en ligne. Là, vous voyez un exemple typique tiré d'un forum qui est un forum public. D'ailleurs, ce forum n'existe plus. D'ailleurs, c'était justement quelqu'un, un nouveau usager, une nouvelle usageuse, qui se pointait dans ce site. Donc, vous reconnaissez le fait qu'elle vient d'arriver parce qu'elle a un seul poste, zéro ranking, donc des indications très claires de son statut de newbie, et encore une fois, quelqu'un qui se présente aux autres en faisant une certaine monstration de soi, un certain dévoilement anthropométrique en l'occurrence. Elle donne des stats, elle donne sa taille, son current weight, donc son poids actuel, son lower weight, donc le minimum qu'elle a atteint dans sa vie, son higher weight, donc le top, quand elle a vraiment exagéré, elle a trop mangé, et son goal weight, donc le poids qu'elle décide, qu'elle veut atteindre. Et donc elle se présente aux autres, mais justement elle est tellement paumée qu'elle ignore même que ce site est déjà parti ailleurs. Et vous voyez quelqu'un qui justement arrive pour l'aider, pour la pointer dans la bonne direction. C'est l'administratrice, aujourd'hui je suis en train de tout casser là. L'administratrice du site, Stéphanie 18, représentée par ce mannequin. Vous voyez la différence déjà dans le choix de l'avatar. Hein. Là, vous voyez quelqu'un qui est très clairement dans une démarche d'imposition d'une présence physique, même bien sûr si on peut imaginer qu'il ne s'agit pas de sa véritable apparence physique, mais elle a choisi quelqu'un qui est droit dans sa position. Alors que l'autre se présente comme un être double. Une fille en transition, vous voyez peut-être pas l'image, mais c'est une image qui est tirée d'une très célèbre campagne anglaise sur les troubles des conduites alimentaires, où on voit une fille squelettique qui se regarde dans un miroir et elle se voit très grosse. Et donc vous voyez les deux, l'opposition entre le corps très maigre et le corps enrobé qui représente un peu le type de dualisme de cet individu, de cet usager qui vient d'arriver. Et donc le fait même d'avoir un travail de administration, de modération, mais aussi de gestion de ces usagers, le fait de créer des hiérarchies qui se créent de facto, mais qui sont aussi des hiérarchies calculées, c'est le nombre, le chiffre des postes publiés par Stéphanie 18 qui fait en sorte, bien sûr, que son influence et son rôle dans la communauté soit important. Le fait de créer des structures sociales, en l'occurrence, permet aussi de voir que ces usagers sont capables de repenser leur socialisation à l'aune de ces usages informatiques. Je regarde ma montre et je vois que c'est 3h25. Qu'est-ce qu'on peut faire? Parce que moi, j'ai toute la deuxième partie, je n'ai même pas rentré. On s'arrête là et on pose des questions, ou au moins je vous pointe un peu dans la direction de méthode. Alors, la deuxième partie, c'est sur la méthodologie. Vous montrez quelques méthodes, quelques questions et un jeu lié aux sources. Ouais, c'est ça. Moi, je pense qu'on peut peut-être, ce qui serait intéressant, c'est s'il y a des questions qu'elles soient posées, comme ça, ouais. Ça va s'éclairer pour la suite. Et peut-être des questions détaillées, des questions plus générales, et juste ensuite tu passerais du coup, tu sauterais la partie sur la désocialisation. Je renvoie, oui. Voilà, on va avoir le salut. Donc tu nous dois 50 centimes par volume vendu pendant cette semaine. Oui. Et pour les questions méthodes qui sont au cœur quand même de l'informatique. Oui. Mais en gros, entre-temps, on peut peut-être poser une question. Moi, j'en ai une tout de suite qui est dans le cadre de maîtrise de notes. Mm-hmm. Tu as dit que les sites 3ANA étaient fermés. C'est parce qu'ils sont interdits, poursuivis par les autorités, ou c'est... Ils ne sont pas interdits, de facto. C'est-à-dire, en Angleterre, on a, à chaque fois, je parle de deux pays que je connais, parce que j'ai plus donné sur ça. En Angleterre, officiellement, il y a un scandale dans la presse tabloïde depuis 3 ans, et plus même. Et donc, ils cherchent à se cacher. Surtout en déguisant les metatags, en déguisant les mots-clés, ou en créant des écrans du genre pour pouvoir accéder à ce site, tu dois avoir plus de 18 ans, comme s'il s'agissait d'un site porno. Mais en réalité, il ne s'agit pas d'un site porno. En France, la situation est un peu la même parfois. La situation est telle qu'en 2009, une commission interministérielle a été créée pour lancer une proposition de loi pour interdire ce site. La commission a travaillé, mais aucune proposition de loi a été présentée au Parlement. Mais en réalité, les fournisseurs d'accès à Internet sont encouragés à décourager ces sites. Voilà. De facto, il y a une censure. Et ceci implique que, pour nous, c'est un effet pervers, c'est-à-dire qu'il y a une démultiplication de ces sites, justement parce qu'ils sont interdits, ou de facto interdits. Donc ils doivent migrer fréquemment, et donc il y a deux fois, trois fois, le même contenu, le même blog, tout simplement parce qu'il a migré à un certain moment vers un serveur allemand ou un serveur chinois, allemand, tout souvent. D'autres questions ? Moi, je ne connais pas du tout les mondes immersifs. Oui. On entend parler. Il y a des observateurs participants. Il y a des gens pour le retard, c'est bonjour, je suis anthropologue. Excellente question. Comment on fait pour faire une observation participante dans un monde immersif? Question qui, justement, là, on pourrait avoir toute une partie sur ce méthodologie et un jeu éthique lié à ça. Je vous dis, à l'époque, et je parle de l'époque, je parle de la partie des années 90, on y allait tranquille. C'est-à-dire qu'on ne se gênait pas de faire des observations en cachette. Actuellement, il y a des publications, il y a des livres très importants parus dernièrement chez la MIT Press, je crois, An Ethnographer in the Virtual World. J'oublie complètement le nom de l'auteur. La chercheuse qui a écrit cela, mais là justement vous avez toute une question, un ensemble d'étapes à franchir pour avoir une validation éthique, surtout aux États-Unis où ils ne récoltent pas sur ça, en sachant qu'en France aussi on cherche à se donner des méthodes et des bonnes pratiques, et normalement, enfin, surtout les gens de l'Observatoire du monde numérique en sciences humaines, qui est une association française qui s'occupe entre autres spécifiquement de ça, cherche justement à créer des pratiques qui soient adoptables partout, parce que en général la captation de données, la collecte de données est quelque chose de délicat, surtout dans le contexte, dans les contextes comme le monde immersif, parce que vous avez une présence qui est souvent très très reconnaissable. Aujourd'hui, vous avez tout un tas d'usagers qui cherchent à faire des expériences, à explorer les identités possibles, mais on a une tendance très forte, surtout dans Second Life, à personnaliser dans le sens d'une sorte d'authenticité, c'est-à-dire un avatar qui représente certains traits reconnaissables de ma caractéristique. Je pense aux usagers handicapés qui cherchent à se créer un avatar handicapé, ou je pense aux usagers particulièrement experts de Second Life qui connaissent un service qui est une île en Second Life, dans laquelle on peut recréer même les défauts physiques d'une manière véridique. Même les défauts physiques, les défauts de la peau, ou alors les disproportions du corps, et ils sont très très fiers de pouvoir afficher ce niveau de savoir-faire. Je vais rentrer encore une fois trop dans le détail. À la corporalité, vous donnez des exemples de sites qui parlent du corps. Est-ce que vous avez des exemples d'expériences sensorielles numériques? Question extrêmement vaste. Est-ce que vous pouvez préciser un peu que... Ce que vous disiez, ou alors est-ce que vous pouvez développer des critiques, enfin, les propos de ceux qui disent que le numérique éloigne. Oui. Le contre-exemple que vous avez donné, ça me paraît. Théorie, enfin, du corps, mais ça reste. Par exemple, c'est le croix anin. Voilà, par exemple. Ok. Je vais plutôt chercher à donner un peu un aperçu de l'état des lieux du débat français sur la question de corps, adieu au corps, corps virtuel, virtualisation du corps. En gros, vous avez deux. Corpus, plutôt deux positions, hein, parce que c'est un véritable débat. La première position qui est représentée de personnes issues d'horizons disciplinaires comme l'anthropologie et la philosophie, qui donc, je pense à encore une fois, David Breton, Philippe Breton, Lucien Spèze, Alain Maillot, qui ont écrit sur le virtuel, et donc dans une perspective de philosophie des techniques, en gros, adoptent une vision de la technologie qui est encore la technologie du deuxième après-guerre, et qui considère donc la machine à calculer comme la machine froide, la machine de gouvernance, avec son pouvoir régalien, qui est un pouvoir qui devient un néo-pouvoir et qui devient un pouvoir aliénant pour la corporalité de l'usager. Lequel usager, bien sûr, et ça encore c'est une position héritée d'un débat des années 60-70, voudrait être dans une démarche d'émancipation, de libération du corps, de libération de ses propres sensations. D'autres personnes, et je m'inscris personnellement dans cette deuxième démarche, cherchent plutôt à montrer qu'il y a une recherche de corporalité, une recherche de pratiques qui, tout en s'appuyant sur les usages informatiques, peuvent véhiculer une certaine sensualité. D'autres auteurs, vous les trouvez dans un dossier que j'ai coordonné pour la revue Esprit en 2009, qui portait le titre Homo numericus. Désolé pour vous, mais ils ont carrément volé le titre. Et qui était consacré justement à cette question du corps et des ordinateurs. Donc il y a des personnes qui ont travaillé beaucoup sur la question du cyborg, donc l'articulation entre corps et machine dans une perspective de critique féministe, comme par exemple Delphine Gardet, d'autres qui ont travaillé sur la question de la virulence et de la circulation des rumeurs sur Internet, comme Pascal Froissart. Donc encore une fois, vous trouvez une bonne représentation. Personnellement, le choix que j'ai fait dans les liaisons numériques pour représenter cela a été de montrer certains portraits d'usagers, de portraits particulièrement significatifs, qui investissaient les usages informatiques d'un désir de sensualité, de recherche, en réalité de rencontres érotiques. Donc j'ai choisi par exemple de montrer des personnes qui recherchaient sur des sites de rencontres comme Mythic, comme des sites spécialisés, sites spécialisés pour les porteurs de handicap. Disabled Patients est un site merveilleux de ce point de vue-là. Vous pouvez vraiment personnaliser votre recherche avec une finesse de la recherche. Non seulement vous pouvez choisir le type d'apparence physique qui vous intéresse, mais aussi l'âge, mais aussi le lieu de résidence, mais aussi le type de handicap. Vous voyez qu'il y a une adaptation très très forte des usages au type d'exigence et au type d'exigence qu'on cherche à avoir. Et l'un des cas, disons, l'un des chapitres à un quoi au journaliste qui l'interview plus intéressant de ce livre est un chapitre qui est consacré à une utilisatrice qui met en scène sa présence en ligne en se créant une sorte d'identité alternative. Donc elle a même dressé un espèce de tableau comparatif entre son corps hors ligne et son corps en ligne. Et donc son corps hors ligne est représenté par des caractéristiques physiques comme la pesanteur, comme la maladie, comme la maladresse, alors que justement elle projette sur cet autre corps, d'un point de vue idéal, tout un tas de qualités qu'elle désire atteindre, qu'elle va atteindre. Donc ça devient une espèce d'entraînement. Je parle de technologie du soi, bon, comme Michel Foucault, parce que pour ces usagers, il y a une envie de rentrer dans une démarche d'amélioration de soi qui peut, bien sûr, s'appuyer aussi sur les usages informatiques. Trouve l'emploi, la réponse. Quels sont les questions qu'on peut sur à moins qu'il y ait des questions. Non. Donc, on peut partir sur les questions. Oui, alors, donc, en réalité, étant donné les quelques minutes qui nous restent, je vais chercher à vous montrer un peu quels peuvent être les enjeux pour les méthodes, en sachant que, en gros, les méthodes dont je parle dans les numériques, c'est tout un éventail de méthodes. On a des méthodes qui peuvent intéresser davantage aux gens qui font humanities au sens classique, parce qu'il y a un travail d'archive, il y a un travail, encore une fois, d'archéologie, de fouilles de sources souvent oubliées. Je vous parlais tout à l'heure de Lida Schloed. Souvent, il m'est arrivé de devoir avoir accès, heureusement, j'en trouvais des scans sur Internet, mais dans certains cas, j'ai dû me rendre dans des bibliothèques géographiquement éloignées pour retrouver les publications réoccupées qui remontent aux années 70, dans lesquelles, par exemple, on remarquait la première occurrence du mot « avatar ». Ou alors, par exemple, deux groupes de hippies californiens comme ce TAP, qui étaient des étudiants démocratiques de l'université de Berkeley, je crois, et qui avaient créé un espèce de parti techno-congressiste dans les années 70. Encore une fois, l'intérêt de ces sources peut paraître tout à fait limité. c'était un iPhone, c'est en 70, c'est sûr. Non, ça c'est pas un iPhone. Je sais. Ça c'est Helios, je pense. Attends, c'est, je te dis la date. Non, mais c'est intéressant. Ah, là, ouais. Bon. C'est, je pense que c'est. Là, c'est quelqu'un qui montre l'argent et là, un téléphone peut-être. Avec des applications. Quoi. Non, c'est pas des applications, je pense que c'est des applications. On va demander aux gens de la Perche d'Orida s'ils avaient déjà, ils étaient sécuristes, c'est ça ouais. Voilà, non mais je pense que c'est 83, oui. Et oui, l'autre élément, si on reste vraiment sur le papier, pour moi, est aussi justement les sources qu'on peut trouver bon, dans les tiroirs des usagers, parce que il m'arrive, bien sûr, de plus en plus d'ailleurs, de interviewer les personnes, des usagers, et de leur demander un peu les mémorabilia liés à leurs usages informatiques et de trouver des choses merveilleuses. Quelqu'un qui avait pris des captures d'écran, de choses impossibles, de gens en ligne, ou alors qui avait téléchargé tous les quelques semaines son profil sur un service de rencontre en ligne, tout ça devient quelque chose d'extrêmement difficile à évaluer, surtout se demander comment faire pour anonymiser, comment traiter ces textes qui ne sont pas seulement des textes. Là, c'est un exemple très, très illuminant à mon avis, c'est un échange dans une chat en ligne d'une utilisatrice, en réalité c'était l'une de mes étudiantes. Qui avait mes étudiants à l'Institut Télécom, donc quelqu'un qui était décidément bien capable de évoluer dans un contexte de jeu en ligne et qui était un peu hacker à 16 heures et qui était rentré dans un groupe de hackers qui avait en gros descendu un monde en ligne français. Donc ils avaient carrément cassé le service, volé les mots-clés, et donc dans cet échange-là, je pense que vous ne pouvez pas le lire, mais c'est ça la question. Donc ils avaient volé les mots-clés aux admins et ils avaient ravagé la base de données qui était à la base de ce monde numérique, et ils en parlent. Là, en l'occurrence, on a affaire à une pratique illégale, mais en général, quand vous avez des échanges en ligne, à chaque fois, se demander quel est le type de traitement qu'on peut faire est très très important, surtout quand vous avez bien sûr des échanges qui sont vidéo enregistrés, qui sont stockés dans le serveur public ou alors dans des serveurs qui normalement devraient être protégés, mais bien sûr qui peuvent être craqués. Ou alors, si vous passez sur Skype, encore une fois, l'accessibilité et le prix tout à fait inexistant, en l'occurrence de Skype, nous expose aussi à des tas de questions de protection de la vie privée de nos interviewés. D'autres types de sources sont des sources qui nous renvoient plutôt aux usages informatiques réels. Là, vous voyez, je vous avais montré un peu de sexe virtuel, de réalité virtuelle, ces prototypes futuribles et futuristes qui en réalité n'ont eu aucun ils n'ont pas eu le succès espéré hein. Pour moi l'intérêt hein, est surtout d'aller voir les cadres d'utilisation. Alors l'imagine que vous avez, si vous avez regardé surtout tous les films des années 90, ces avatars qui évoluent, qui volent, comme dans le film de Lawnmower Man, donc des gens qui sont capables d'avoir des super pouvoirs, mais en réalité, les usagers de réalité virtuelle de l'époque avaient des petits outils comme celui-là, donc un petit casque, ça c'était un casque des plus légers, il faisait un kilo et demi. Sinon, vous en avez aussi des casques de 3-4 kg, avec des écouteurs et bien sûr des deux vidéos stéréoscopiques, et vous mettre ce casque, bien sûr, et après le régler, et après vous servir d'une manette de jeu. Mais je ne veux pas empêcher, bien sûr, de penser que cette utilisatrice, d'ailleurs, qui est aussi une conceptrice de ces prototypes-là, s'en servait dans un bureau qui était complètement envahi de papier, paperasse, et qui était vraiment un tout. débit super petit. Donc vous voyez qu'il y a un décalage très très fort entre cet envie d'ouverture, dans plein air, l'étendue vide de cyberespace, et ces cadres de vie qui nous renvoient par contre à des, voilà, enfin, à des réalités qui sont souvent extrêmement parlantes. Donc on comprend mieux pour quelles raisons on insistait aussi sur ces rêves de décorporation et de virtualisation. Encore, on parlait de monde immersif, on parlait, et là on arrive un peu à la question qui est centrale pour moi, il y a certaines sources et certaines données qui nous imposent une attention particulière parce qu'on n'arrive pas en réalité à les classer. Pour moi, quand j'ai commencé à étudier un peu le monde immersif, après, sincèrement, j'ai arrêté, il y avait un problème de statut d'une source comme celle-là. Une capture d'écran de ce type, ou alors même l'interaction de laquelle la capture d'écran a été tirée, pose un problème parce que vous avez une source visuelle qui est une source aussi relationnelle. Parce que cet avatar-là est en train de parler avec d'autres avatars, d'interagir avec d'autres avatars. Donc vous n'avez pas seulement une vidéo que vous êtes en train d'analyser, mais une véritable interaction. Après, bien sûr, vous avez cet autre échange, qui est un échange textuel, qui, bien sûr, peut être analysé avec les outils d'analyse textuelle classique, mais en même temps, dont le statut est tout à fait ambigu. Parce qu'il faut se demander si on a affaire à une archive ou si on a affaire justement à une interaction comme on pourrait l'avoir là, si on entendait quelqu'un parler au bar. Alors, par exemple, encore une fois, quand vous avez une validation éthique à demander à un comité de veille éthique comme celui-là que nous avons à l'école des hautes études, et si vous ne connaissez pas l'existence de ce comité de veille éthique, je vous conseille de bien vérifier sur la page internet de l'EHSS si vos recherches ne rentrent pas dans le cas de figure des gens qui doivent avoir un avis favorable de ce comité. Je disais, quand vous avez une étude à faire valider, vous devez toujours décider si vous avez affaire à une archive de, entre guillemets, une occurrence naturelle de langage, comme justement si on avait quelqu'un dans un espace public, ou alors si vous êtes en train de, justement, prêter vos oreilles et enregistrer et collecter des données qui sont en réalité des données privées. Donc le statut même de la source est associé au statut même de la vie privée des gens qui sont en train, des interacteurs. Voilà. Et de même, bien sûr, avec Facebook, mais désormais Facebook est devenu synonyme de fail sur la vie privée, clairement, on a à se poser des questions sur comment anonymiser, comment respecter les espaces de publicité, les espaces d'intimité, lesquels sur Facebook sont toujours assez brouillés. C'est toujours difficile de voir la frontière entre l'intime et le privé, surtout dans un service comme celui-là. Et pour nous, ça devient encore plus important car on cherche à faire justement de l'analyse des réseaux. Bien sûr, je pense que Christophe Prieur, la prochaine fois, va vous en parler un peu plus dans les détails sur le link, pardon. Quand on cherche à faire de l'analyse structurelle, c'est-à-dire on cherche à voir véritablement comment on peut créer des sociogrammes et des réseaux, dans l'occurrence c'est un réseau égocentré, donc vous avez l'interviewé au centre qui dispose toutes les autres personnes avec qui il ou elle a des interactions. Vous voyez, selon ce cercle, il y a des personnes qui sont plus proches et des personnes qui sont moins proches, et aussi qu'il y a des liens qui se créent depuis. On peut bien sûr analyser d'un point de vue d'une analyse des réseaux classiques la densité, les liens entrants, les liens sortants. Si vous faites l'analyse des réseaux, c'est des questions tout à fait communes, je dirais. Ce qui est moins commun, bien sûr, est de se poser constamment la question de comment rendre véritablement anonyme une structure de ce type-là, dans laquelle peut-être vous n'avez aucun nom reconnaissable au sens de identité civile, mais en même temps qui devient presque une sorte d'empreinte digitale de la sociabilité d'un individu. Bien sûr, il y a des évolutions possibles, il y a des décalages possibles entre ce qui est déclaré par l'interviewé et ce qui est observable, mais en réalité, notre connaissance progresse dans un sens d'attribuer de plus en plus, et vous le voyez surtout avec les phénomènes de fouilles de données et de segmentation marketing sur des services comme Facebook, donc ça évolue dans le sens de donner une finesse à nos analyses et de justement poser, et je terminerai sur ça, des enjeux éthiques qui sont surtout associés aux données relationnelles, surtout quand on voit certains cas ou certains scandales, si vous voulez, associés à des harvesting, donc les récoltes de données, comme Pete Worden, qui avait un peu craqué Facebook, qui était arrivé à faire des grandes cartographies des usagers, de ses usagers, et après, bien sûr, Facebook a tout de suite posté d'un point de vue légal, ou alors, mais là, il s'agit d'un chercheur d'Harvard, Nicolas Christakis, auteur du livre Connected, qui est depuis des années et des années l'un des turiféraires de la fouille de données. Bien sûr, il n'est pas le seul, il y a le data mining, donc la fouille de données est effectivement un outil très important, mais il nous pose un tas de problèmes, qui sont des problèmes non seulement méthodologiques, qui sont des problèmes qui, à mon avis, devraient intéresser aussi les digital humanities, dans la mesure où, bien sûr, on traite ces données natives des réseaux numériques, mais on doit toujours, à mon avis, faire attention au type d'interaction sociale qui sous-tend. C'est-à-dire que ces données-là ne sont pas seulement des textes comme justement des archives qui remontent au Moyen-Âge. On doit penser qu'il y a des destins et des identités et des vies humaines qui sont associées à ces réseaux, d'où, par exemple, l'intérêt de certains chercheurs américains surtout, mais même en France aussi, on commence à avoir un intérêt pour les enjeux philosophiques posés par des services de réseautage en ligne. On a eu la semaine dernière un premier colloque philo-web à la Sorbonne, c'était samedi, et Michael Zimmer aux États-Unis, par contre, fait un travail très très important de réflexion sur la question de la vie privée et en général sur les types d'enjeux philosophiques de Facebook en particulier. Là, c'était pour terminer sur quelque chose de, disons, très humain, carrément dans la philosophie, même s'il s'agit simplement d'une allusion. Et voilà, je termine sur cela et on a même 10 minutes pour poser d'autres questions. Je vais vraiment citer la lettre. Vous avez des questions, des remarques? Ou alors je vais directement sur Twitter voir qu'est-ce que. Ouais, qu'est-ce qu'il y a si vous avez fait des commentaires, vous obligez sur mon accent. Non. Mais... y a eu des, on a noté des choses, je pense que c'est une forme de note collective. Pardon. Est-ce qu'on peut savoir, enfin moi je me posais des questions sur les méthodes que tu mets en place, quand tu dis je rencontre des gens, je fais des interviews, etc. Est-ce que tu as une méthode quelle est la méthode de sélection des gens? Rapidement, hein, tu n'as pas le droit de répondre longuement, sinon on ne peut plus poser d'autres questions. Oui. C'est-à-dire ça dépend du sujet étudié. Alors, en l'occurrence, là, je suis en train ça fait un an que je travaille sur ce projet sur le site CoAnorexit. Le projet est un projet ANR. Officiellement, c'est depuis le début de 2010 qu'on travaille. Et là, en l'occurrence, on a un travail très important d'abord de validation éthique et légale de la part de la CNIL, de la part des comités de l'éthique. Par la suite, on fait, en l'occurrence, d'abord un questionnaire en ligne, on enchaîne avec des interviews in-depth, et après, mais là c'est quelque chose de laquelle je ne vais pas traiter, on travaille beaucoup avec les simulations multi-agents, qui sont plutôt des outils à réfléchir plutôt que des outils à traiter les données. La simulation multi-agent, c'est le logiciel qui permet de faire pousser des sociétés ou des groupes sociaux sans avoir à interviewer 7, 8, 9, 10 fois le même sujet. Juste sur la question des sources, pour les sources plus récentes, vous utilisez l'archival automatique maintenant? Ça dépend. pour les données relationnelles, par exemple, voilà, si on parle par exemple de faire cartographie de blog ou de l'ensemble de blog, il y a bien sûr la microlayer, il y a des sources, des outils qui permettent d'être un peu moins artisanal. En même temps, personnellement, je considère que le travail du chercheur est aussi un travail d'accompagner le logiciel. Je ne crois pas tout simplement à télécharger Internet, d'abord parce que ça n'a aucune finesse. Aucune finesse, je ne parle pas de style, hein, je parle aucune finesse de type de données que vous avez, donc la base de données que vous allez avoir va exploser dans tous les sens. Il doit y avoir un travail sur les catégories, et ce travail se fait en observant les données pendant la collecte. Et après, on ne peut pas faire économie de ce que les Anglais appellent la agency du chercheur. Il y a une influence en observant. Comment est-ce qu'on dit en français pour une agency? Enfin, une action. Intervention sur les données même qu'on collecte. Voilà. Donc je pense que même avec un logiciel qui pompe l'Internet, vous allez avoir ce type d'agency. Voilà. C'est mieux de la mettre déjà. Ça ne vous semble pas un oxymore de parler de respect de la vie privée par rapport au réseau et au forum que vous consultez en ligne? Ça paraît comme vraiment étrange. Pourquoi? Parce que du moment que ce que vos Anna ou Boulimique ou autres, de toute façon, exposent exactement leur vie et leur mensuration et leur vie privée. Il s'agit de quelque chose de public, vous dites. Il s'agit absolument de quelque chose de public. C'est de l'exhibitionnisme complet, même à mon avis. Oui. Okay, et je ne vois pas en quoi il faudrait respecter leur vie privée puisqu'ils l'exposent. Là, on rentre vraiment dans, pour moi, ce qui est le message fort des chapitres sur la vie privée que j'ai de liaison numérique. Pour moi, la vie privée n'est pas monodimensionnelle. Il ne s'agit pas de préserver une sorte de. L'identité centrale à l'inscrivant dans une sorte de bulle dans laquelle on ne peut pas pénétrer. Ça, c'est la vision anglo-saxonne de la privacy. Par contre, à mon avis, il s'agit toujours d'une négociation. C'est-à-dire que chacun décide, dans certains contextes et sous certaines contraintes, de montrer des facettes de sa propre identité. Si ces sujets-là ont choisi, dans un contexte d'interaction blog ou forum, de se mettre en scène, même d'une manière extrêmement narcissique, et les situationnistes sont boutiques, vous pouvez être d'accord sur ça, et eux-mêmes, ils peuvent être d'accord sur ça, mais en même temps, ils savaient exactement qu'ils allaient avoir, ils imaginaient, ils prévoyaient d'avoir un certain type de public, et ils ne s'attendent pas d'avoir un chercheur de 38 ans dedans. Parce que, justement, là, ça change les règles du jeu. La présence même du chercheur change les règles du jeu, et pour nous, c'est un jeu. Oui, donc ça veut dire que vous vous signalez en tant que chercheur quand vous prenez contact avec un avatar quelconque en lui disant je suis en train d'étudier votre. Actuellement, oui. Oui. Je vous disais à l'époque, quand on ne parlait pas de Pro-Ana, mais on parlait justement de mondes immersifs, donc de pratiques généralistes et de personnes qui ne faisaient rien de controversé, rien de divers. Dans les années 90, on y allait tranquille, c'est-à-dire on était un usager comme les autres, et après on en tirait des observations participantes anonymisantes, bien sûr. Mais voilà, on avait décidément moins de scrupules. Il y a un autre élément que je vais ajouter, après de ça par la pierre, c'est que, le fait de changer de contexte, effectivement, n'est pas l'intention de l'auteur. Il y a quand même aussi un autre élément qui est que quand la personne peut, admettons qu'elle le fasse sur un blog, le jour où son histoire, donc elle s'inscrit dans le temps, elle prend conscience que ce qui était son présent et son passé, et elle veut le détruire, elle a encore le contrôle puisque c'est elle qui l'a construit. A priori, elle est plus ou moins capable de détruire les données. Ensuite, toutes les données qui sont mises en cache, par exemple par Google, le sont pendant 1 à 3 mois, et ensuite elles disparaissent théoriquement. Ouais. Là, il y a une part de contrôle puisqu'il y a une réémission en fait, de la donnée, mais par quelqu'un qui a un autre contrôle, et du coup, il y a une perte de contrôle complète de l'identité numérique de la part de l'émetteur, et donc c'est une republication. Et exemple, c'est normal qu'il y a un nécessaire qui soit un petit peu tout ça. Surtout pour les verbatim. Surtout pour les verbatim. Si je prends des morceaux de blog ou des morceaux de forum et je le publie dans un article, de quel article bien sûr va être publié sur, je ne sais pas, PubMed, JSTOR, je pense de quoi, cet article de blog. Non, je viens de citer le mauvais portail. Ok, t'arrêtes. D'autres portails qui permettent justement ce type de recherche textuelle, je me retrouve à pouvoir faire une association, même si moi, avant de publier l'article, j'avais anonymisé cette source, quelqu'un en saisissant le verbatim exact Google, il peut le remonter à l'intérieur. C'est la même chose que si tu te déguises le 31 décembre pour aller à une fête avec des amis, ou même si tu fêtes la victoire de la France à la Coupe du Monde de 98. Tu le fais dans un contexte très public, mais tu n'as pas nécessairement envie que ton président, ton directeur ait accès à cette information, sauf si vraiment par la même chose. Ou alors le Front National reprenne la photo de toi avant de se brandir le drapeau français pour en faire ça. Voilà, donc c'est vraiment une question de contexte. Oui, j'avais une question de méthodologie qui était un peu dans la question de Aurélien, justement. En pratique ethnographique classique, la présence ou l'arrivée de l'ethnographe dans une société ou dans un ensemble, un collectif social quelconque, n'est pas une pratique d'observation neutre au microscope de cette société, mais en fait, sa présence elle-même, la présence d'un intrus, la présence de quelqu'un qui est un étranger, en fait, provoque un certain nombre de phénomènes sociaux qui permettent de voir un certain nombre de choses. C'est-à-dire ça crée, en fait, des données, ça permet l'observation. C'est ça, l'observation participante. Alors, moi, la question, c'est est-ce que il y a des travaux sur ce type de pratique dans des environnements virtuels? Est-ce que toi, tu as eu des expériences, alors justement, d'introduction de l'observateur dans un univers virtuel, qui commence à avoir des interactions, il est identifié comme étant un intrus, un étranger, un observateur extérieur, et donc ça provoque un certain nombre de choses. Est-ce que les conditions dans les univers virtuels de ce type de pratique d'observation participante sont les mêmes que dans les univers non virtuels ou pas? C'est une excellente question qui surtout nous met face à la question qu'on traite, je pense, jamais dans les observations participantes en ligne, comment voir le autre, le grand autre. Alors, dans l'anthropologie classique, on avait toujours une sorte de comparaison entre deux civilisations, ou deux cultures, ou deux formes de pratiques, modalités d'interaction, etc. Au jour d'aujourd'hui, si un ethnographe virtuel rentre dans un monde immersif ou dans n'importe quelle interaction, en réalité, il ne peut pas se montrer, se mettre en scène en tant qu'autre. Ouais. C'est-à-dire qu'il ne vient pas d'ailleurs. Enfin, il vient d'ailleurs comme tous les autres. On a des cas, mais j'arrive vraiment pas à trouver la bonne référence, mais peut-être à publier sur le blog, ça va être très plus simple, psychologues surtout, qui rentrant dans des jeux en ligne, sont faits jeter. Là, c'est, si tu veux, le décalage n'est pas entre disons, l'attribut numérique et quelqu'un qui vient de l'extérieur, mais je pense entre l'utilisateur lambda ou un utilisateur spécialisé jeux vidéo et un autre savoir expert qui est le savoir expert du chercheur, notamment le psychologue. C'est une question importante. À mon avis, on ne traite pas. Alors, ouais. Ou alors, ma connaissance, on ne traite pas. Est-ce que tu connais des cas de réutilisation de corpus construits par quelqu'un d'autre? Oui, j'aimerais. Surtout de base de données, oui. Base de données, justement, on a quanti. Pour les corpus. Base de données, hein, c'est un corpus. Je pensais plutôt à quelque chose que j'ai cherché à faire au début de ma thèse, et en France c'était extrêmement mal vu, c'est-à-dire de mettre ensemble, de mutualiser des corpus, surtout de transcription de l'interview avec les utilisateurs. Il y a des très très bonnes raisons scientifiques pour ne pas le faire, mais en réalité je pense qu'il y a tout simplement une certaine tentative de défense très carrée à chaque fois. Mais tu sais, la création de bases de données, surtout de statistiques publiques ou de DataGov ou de Open Data, est actuellement une démarche ouverte. Nicolas Christakis, que je viens de citer, justement, s'était fait attaquer parce qu'il avait partagé en 2007 des bases de données relationnelles, qui étaient, je crois, de Facebook, sans trop se soucier ou sans trop trier ses interlocuteurs. On le fait assez couramment, et d'ailleurs c'est imposé par les institutions, entre chercheurs. Mais voilà, la question c'est surtout entre chercheurs, après le problème du public plus généralement. C'est un autre problème encore, oui. Mais la question c'est du point de vue dans ton champ, parce que tu viens de citer un exemple qui est intéressant. Et tu nous dis qu'il y a de plus en plus, ça émerge après avoir été très mal vu, des dons, des échanges, des circulations, de corpus constitués pour une finalité. Par un chercheur qui sont confiés à d'autres chercheurs. Je pense notamment à des centres comme celui de Sciences Po qui s'appelle le Centre pour la statistique en sciences sociales, je pense. C'est DST, hein. Sciences des données statistiques publiques. Voilà. Qui cherche justement à collecter des bases de données pour les redistribuer. Ou alors d'autres projets européens qui cherchent à faire au niveau de la démographie, au niveau des données publiques, ce type de travail de redistribution. Le problème, c'est toujours la redistribution. À qui ? Et sur la base de quels critères ? Et le problème pour la statistique publique ou pour les corpus qui viennent de la recherche publique, c'est surtout comment trier, par exemple, les gens issus du public privé. Qui cherchent à. Attends, on a des tas de. C'est un milieu perméable, on a toujours à faire avec le fonds de développement. Il faut se demander sur quels critères on va choisir, si oui ou non. J'ai une question que je ne sais pas exactement comment formuler, qui est sans doute trop vaste, qui n'était pas pertinente, et il y a beaucoup de temps. Et il s'agit de revenir à l'histoire de métaphores, l'évolution des métaphores entre les mondes. Tout de suite, vous avez parlé de déconstruire le cyberespace, ce genre de choses. Pour l'instant, c'est certain de ne pas avoir employé le terme déconstruire. Non, je sais, il est passé sur Twitter après, vous irez voir. Ah, okay, ouais. Ça. J'ai cherché ce que vous aviez employé, j'ai pas eu le temps de regarder. En tout cas, il y a d'articulations à trouver. Vous êtes quand même dans la partie d'analyse de la façon dont ces deux univers sont séparés, ces deux modes d'interaction, ces deux espaces d'interaction, contexte d'interaction, pardon. On n'est pas arrivé à quelque chose de positif encore. C'est-à-dire qu'il s'agit avant tout d'aller contre des choses qui ont une perspective implicite sur ce qui s'y passe, la façon dont on y agit. Ma question, c'était celle du langage, finalement. Les métaphores évoluent, mais parler de nuages, par exemple, j'ai l'interface par défaut de Twitter sous les yeux, on a des nuages, évidemment, c'est différent, mais ça reste transcendant, immatériel. Alors que les data centers sont très matériels, bon, etc. Je pense que c'est des métaphores qui sont difficiles. Est-ce qu'il y a un blocage du point de vue langage? Ce que j'avais en tête et que je n'arrive pas à suffisamment nettement formuler, c'est finalement le parallèle avec le problème de l'âme et du corps. Pour la liaison de l'âme et du corps, on a un problème de langage, tout simplement. Parler de monisme, c'est bien, mais après, dans le langage, on a tellement de choses qui sont inscrites que c'est difficile de faire autrement. Qu'est-ce qu'on peut faire pour parler de ces deux contextes d'interaction et de leurs relations sans avoir des métaphores Je me demande vraiment pourquoi annoncer aux métaphores lourdes. D'abord, c'est plutôt l'usage qu'on fait aussi des métaphores. Les métaphores, là, contre lesquelles j'ai cherché à déconstruire, comme vous disiez, sont des métaphores qui ont été utilisées pour créer un contexte de débat public polarisé, technophile, technophobe. C'est ça le truc pour moi extrêmement gênant. On peut parler de nuages, on peut parler d'au-delà, on peut reprendre les grandes traditions religieuses, je ne sais pas, bouddhistes, comme on le fait certaines fois, ou alors du christianisme, mais arrêter pour en faire quoi ? Là, on a vu vraiment depuis les années 90, vraiment, les cyberdéliques, comme on disait à l'époque, donc c'est cyber-psychédélie, les gens qui étaient vraiment dans une démarche complètement utopique, et de l'autre côté, les gens à la Virilio, je veux dire Virilio, parce que c'est l'exemple que tout le monde connaît, de techno-critique de la technologie à tout prix. Là, vraiment, vous avez des répertoires métaphoriques qui sont mis au service de particules. Pour moi, le problème, c'est avec les particules, pas avec les répertoires. Mais les répertoires, je ne vois pas comment reconfigurer ces répertoires. Je ne vois même pas l'intérêt de reconfigurer les répertoires et de reconfigurer le débat public derrière. Oui. Et là, it's a long way to go. On vient de commencer, on commence à avoir une masse critique en France d'études. D'études qui traitent de ça, ou alors de chercheurs qui s'intéressent à ça, mais quand même, il y a des mauvaises habitudes qui sont difficiles à casser, je trouve. Mauvaises habitudes de la pensée et qui vont dans le sens d'être acritiquement critique ou acritiquement optimiste. Ouais. Bon, enfin, c'était un petit moment comptoir pour moi. Une dernière question avant qu'on soit obligé de partir. De partir. Non. Pas de questions. Je vous remercie. Merci. Je vous remercie beaucoup. Merci. Donc, on se retrouve dans 4 semaines, sans après, avec d'autres sociologues. Oui. Nous sommes. Christophe et Marie-Christine. Ah oui, oui. Voilà. Il y aura un peu de diversité, de ce qui nous. Je l'espère.